Chapitre 16. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre. Au soleil, il avait reparu. Ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes deux mains, qui en avait plus qu'elle n'en pouvait porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds dans les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n'avais plus ni os dans mes membres, ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaîne des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix. Non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée, d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut. J'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la rue du Mail où j'ai été coltigé, maluré, par 3 coquins de rail, l'hirlon femme à lurette, sur mes six confoncés, l'hirlon femme à lurée. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua. Sur mes six confoncés, maluré, ils m'ont mis la tartouffe, l'hirlon femme à lurette, grand medon est abolé, l'hirlon femme à lurée. Dans mon trimain rencontre, l'hirlon femme à lurette, un pègre du quartier, l'hirlon femme à lurée, un pègre du quartier mal luré. Va t'en dire à ma largue, l'hirlon femme à lurette, que je suis enfouraillé, l'hirlon femme à lurée. Ma largue tout en colère, l'hirlon femme à lurette. Dis qu'as-tu donc morfilé, l'hirlon femme à lurée. Dis qu'as-tu donc morfilé, maluré. J'ai fait suer un chêne, l'hirlon femme à lurette. Son auberge j'ai engandé, l'hirlon femme à lurée. Son auberge et sa toquante, l'hirlon femme à lurette. Et ses attaches de C, l'hirlon femme à lurée. Et ses attaches de C, maluré. Ma largue part pour Versailles, l'hirlon femme à lurette, au pied de sa majesté, l'hirlon femme à lurée. Elle lui fonce un babillard, l'hirlon femme à lurette, pour te faire des fourrailles, l'hirlon femme à lurée. Pour te faire des fourrailles, maluré. Ah, si j'en défouraille, l'hirlon femme à lurette. Ma largue, j'en t'y ferai, l'hirlon femme à lurée. J'y ferai porter fontanche, l'hirlon femme à lurette. Et souliers galuchés, l'hirlon femme à lurée. Et souliers galuchés, maluré. Maïs grand âme qui se fâche, l'hirlon femme à lurette. Dis par mon caloquet, l'hirlon femme à lurée. J'y ferai danser une danse, l'hirlon femme à lurette, où il n'y a pas de plancher, l'hirlon femme à lurée. Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte. Cette lutte du brigand avec le guet. Ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme. Cet épouvantable message. J'ai assassiné un homme et je suis arrêté. J'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé. Cette femme qui court à Versailles avec un placet et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille gracieuse, transition de la voix d'enfant à la voix de femme. Tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés. Ah, qu'une prison est une chose infâme. Il y a du venin qui salit tout. Tout s'y flétrit, même la chanson d'une jeune fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue.